Merde, j'ai loupé le... C'est l'histoire de Régis. Régis. Régis a 16 ans. Ses parents sont absents. Régis a du mal à l'école. Passé mercredi en colle. Régis se fait frapper. Alors Régis sniffe de la colle. À la fenêtre de l'école, Régis rêve d'un ailleurs. Il voudrait décorer des camions, mais déjà prisonnier d'alcool. Tout ce qu'il peint, c'est les murs des chiottes. Tout ce qu'il peint, c'est les murs des chiottes. Régis. Régis. Régis a 100 ans. Derrière les barreaux. Voiture volée et quelques grammes de shit. Régis se fait frapper par ses copains de prison. Les matons se moquent de lui. Les matons se moquent de lui. Régis n'aura jamais 30 ans. Il a volé un aller de poule paradis. Car l'enfer c'est ici. C'est l'histoire de Régis, mort dans une prison de France. Mort dans une prison de France. C'était l'histoire de Régis.